FSI French Revised, Unit 2, Tape 2. Lexical drills. Lexical drill A1. La femme de chambre va vous y conduire. La femme de chambre va vous y conduire. Mademoiselle Courtois. Mademoiselle Courtois va vous y conduire. Mon ami. Mon ami va vous y conduire. Ma femme. Ma femme va vous y conduire. Elle. Elle va vous y conduire. Mon fils. Mon fils va vous y conduire. Il. Il va vous y conduire. Le gérant. Le gérant va vous y conduire. Janine. Janine va vous y conduire. La femme de chambre. La femme de chambre va vous y conduire. Lexical drill A2. Que désirez-vous, monsieur? Que désirez-vous, monsieur? Où allez-vous? Où allez-vous, monsieur? Que voulez-vous? Que voulez-vous, monsieur? Où êtes-vous? Où êtes-vous, monsieur? Où sommes-nous? Où sommes-nous, monsieur? Qu'avez-vous? Qu'avez-vous, monsieur? Que dites-vous? Que dites-vous, monsieur? Que répondez-vous? Que répondez-vous, monsieur? Que dit-on? Que dit-on, monsieur? Que désirez-vous? Que désirez-vous, monsieur? Lexical drill A3. Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'êtes pas satisfait? Heureux? Vous n'êtes pas heureux? En retard? Vous n'êtes pas en retard? Seul? Vous n'êtes pas seul? Avec eux? Vous n'êtes pas avec eux? Pressé? Vous n'êtes pas pressé? Libre? Vous n'êtes pas libre? Au restaurant? Vous n'êtes pas au restaurant? En vacances? Vous n'êtes pas en vacances? Français? Vous n'êtes pas français? Satisfait? Vous n'êtes pas satisfait? Lexical drill A4. Voici la chambre, monsieur. Voici la chambre, monsieur. Le livre. Voici le livre, monsieur. Le restaurant. Voici le restaurant, monsieur. La femme de chambre. Voici la femme de chambre, monsieur. Les bagages. Voici les bagages, monsieur. Le café. Voici le café, monsieur. La salle de bain. Voici la salle de bain, monsieur. Le gérant. Voici le gérant, monsieur. La monnaie. Voici la monnaie, monsieur. La chambre. Voici la chambre, monsieur. Lexical drill A5. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Je voudrais. Je voudrais une jolie chambre au premier étage. Voici. Voici une jolie chambre au premier étage. C'est. C'est une jolie chambre au premier étage. Vous avez. Vous avez une jolie chambre au premier étage. Vous voulez. Vous voulez une jolie chambre au premier étage. Il voudrait. Il voudrait une jolie chambre au premier étage. Nous avons. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Lexical drill A6. Je vais les remplir tout de suite. Je vais les remplir tout de suite. Maintenant. Je vais les remplir maintenant. Ce soir. Je vais les remplir ce soir. Aujourd'hui. Je vais les remplir aujourd'hui. Demain soir. Je vais les remplir demain soir. À midi. Je vais les remplir à midi. À 8 heures. Je vais les remplir à 8 heures. Tout de suite. Je vais les remplir tout de suite. Lexical drill A7. Vous êtes seul? Vous êtes seul? Pressé? Vous êtes pressé? Heureux? Vous êtes heureux? Français? Vous êtes français? En retard? Vous êtes en retard? Libre? Vous êtes libre? Satisfait? Vous êtes satisfait? En vacances? Vous êtes en vacances? Près d'ici? Vous êtes près d'ici? À Paris? Vous êtes à Paris? Seul? Vous êtes seul? Lexical drill A8. Elle me convient tout à fait. Elle me convient tout à fait. Il me convient tout à fait. Le café. Le café me convient tout à fait. Le restaurant. Le restaurant me convient tout à fait. L'hôtel. L'hôtel me convient tout à fait. La chambre. La chambre me convient tout à fait. La salle de bain. La salle de bain me convient tout à fait. Paris. Paris me convient tout à fait. Elle. Elle me convient tout à fait. Lexical drill A 9. C'est parfait. C'est parfait. Bon. C'est bon. Joli. C'est joli. Paris. C'est Paris. La salle de bain. C'est la salle de bain. Moi. C'est moi. Pour demain. C'est pour demain. Pour ce soir. C'est pour ce soir. Pour plus tard. C'est pour plus tard. Parfait. C'est parfait. Lexical drill A 10. Je vais les remplir tout de suite. Je vais les remplir tout de suite. Nous allons. Nous allons les remplir tout de suite. Elle va. Elle va les remplir tout de suite. Je voudrais. Je voudrais les remplir tout de suite. J'espère. J'espère les remplir tout de suite. Ils montent. Ils montent les remplir tout de suite. Je monte. Je monte les remplir tout de suite. Il va. Il va les remplir tout de suite. Elle monte. Elle monte les remplir tout de suite. Vous allez. Vous allez les remplir tout de suite. Je vais. Je vais les remplir tout de suite. Lexical drill A 11. Voulez-vous me la montrer? Voulez-vous me la montrer? Allez-vous? Allez-vous me la montrer? Va-t-il? Va-t-il me la montrer? Va-t-elle? Va-t-elle me la montrer? Voulez-vous? Voulez-vous me la montrer? Lexical drill A 12. Que désirez-vous, monsieur? Que désirez-vous, monsieur? Que voulez-vous? Que voulez-vous, monsieur ? Mademoiselle ? Que voulez-vous, mademoiselle ? Que dites-vous ? Que dites-vous, mademoiselle ? Madame ? Que dites-vous, madame ? Où allez-vous ? Où allez-vous, madame ? Monsieur ? Où allez-vous, monsieur ? Que désirez-vous ? Que désirez-vous, monsieur ? Lexical drill B1. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Ils sont. Ils sont seuls. Pressés. Ils sont pressés. Elle est. Elle est pressée. En retard. Elle est en retard. Nous sommes. Nous sommes en retard. Ensemble. Nous sommes ensemble. Elles sont. Elles sont ensemble. Seules. Elles sont seules. Vous êtes. Vous êtes seul. Lexical drill B2. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Deux chambres communicantes. Je voudrais deux chambres communicantes. Nous avons. Nous avons deux chambres communicantes. La monnaie de 100 francs. Nous avons la monnaie de 100 francs. Il a. Il a la monnaie de 100 francs. Les bagages. Il a les bagages. Je voudrais. Je voudrais les bagages. Une chambre avec salle de bain. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Lexical drill B3. Sont-ils toujours en vacances ? Sont-ils toujours en vacances ? Est-elle toujours ? Est-elle toujours en vacances ? En retard ? Est-elle toujours en retard ? Sont-elles toujours ? Sont-elles toujours en retard ? Ensemble ? Sont-elles toujours ensemble ? Sont-ils toujours ? Sont-ils toujours ensemble ? Avec eux ? Sont-ils toujours avec eux ? Est-il toujours ? Est-il toujours avec eux ? En vacances ? Est-il toujours en vacances ? Sont-ils toujours ? Sont-ils toujours en vacances ? Lexical drill B4. Voulez-vous me la montrer ? Voulez-vous me la montrer ? Allez-vous ? Allez-vous me la montrer? Me la présenter? Allez-vous me la présenter? Désirez-vous? Désirez-vous me la présenter? Me la répéter? Désirez-vous me la répéter? Voulez-vous? Voulez-vous me la répéter? Me la dire? Voulez-vous me la dire? Allez-vous? Allez-vous me la dire? Me la montrer? Allez-vous me la montrer? Voulez-vous? Voulez-vous me la montrer? Lexical drill B5. Voulez-vous changer de chambre? Voulez-vous changer de chambre? Allez-vous? Allez-vous changer de chambre? Remplir les fiches. Allez-vous remplir les fiches? Allons-nous? Allons-nous remplir les fiches? Apporter les bagages? Allons-nous apporter les bagages? Va-t-il? Va-t-il apporter les bagages? Déjeuner plus tard? Va-t-il déjeuner plus tard? Désirez-vous? Désirez-vous déjeuner plus tard? Changer de chambre? Désirez-vous changer de chambre? Voulez-vous? Voulez-vous changer de chambre? Lexical drill B6. Je voudrais changer de chambre. Je voudrais changer de chambre. Nous allons. Nous allons changer de chambre. Changer d'hôtel. Nous allons changer d'hôtel. Elle voudrait. Elle voudrait changer d'hôtel. Changer d'étage. Elle voudrait changer d'étage. On va. On va changer d'étage. Changer de classe. On va changer de classe. Vous allez. Vous allez changer de classe. Changer de livre. Vous allez changer de livre. J'espère. J'espère changer de livre. Changer de chambre. J'espère changer de chambre. Je voudrais. Je voudrais changer de chambre. This is the end of tape 2, unit 2.